Et ça prend de la transparence concernant la gestion des réserves autochtones. Ben oui. Je disais hier des extraits, en fait, Sun News qui a fait un travail extraordinaire là-dessus. Et la Fédération des contribuables du Canada également, puis l'Institut Fraser également. Il y a une multitude de chefs indiens au Canada qui gagnent plus cher que Stephen Harper, alors qu'ils gèrent des réserves de 1000 personnes, 1000 habitants. Et les gens crèvent de faim dans les réserves. Ben oui. Tu sais, l'histoire de la Pocahontas au double menton qui mange la soupe et qui nous fait croire qu'elle va mourir. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. 300 000 par année, pas d'impôts.